Merci Tiffaine, et de notre côté nous allons une dernière fois jeter un œil vers la Comté, le Mordor, le Gondor, avec un dernier épisode consacré à l'écrivain anglais J.R.R. Tolkien. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était un universitaire d'Oxford passionné de mots et de langage, portant toujours la cravate et le gilet sous sa veste, plutôt un patriarche conservateur au moins d'aspect qu'un héros pour adolescents. Et pourtant, l'œuvre de cet homme passionne profondément le grand public et la jeunesse depuis des décennies, au point qu'elle est devenue cette œuvre un phénomène de société. Nous avons évoqué la vie de Tolkien avec Vincent Ferré lundi. Il nous a parlé de cette enfance solitaire, lui qui avait été rapidement orphelin de père puis de mère. Il a également été marqué par son expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qu'il a eu à connaître durant plusieurs mois. Mardi, nous sommes revenus sur les grandes caractéristiques de l'œuvre de Tolkien et en particulier sur la question des mythes qui y sont très présents. C'était avec Isabelle Pantin. Enfin, hier, nous avons abordé la question plus spécifique des rapports de Tolkien avec la religion. Nous étions pour ce faire avec Léo Carruthers. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour replacer Tolkien dans l'histoire des genres littéraires, pour revenir sur son legs et l'analyser en tant que phénomène de société, nous sommes avec Anne Besson, professeure de littérature générale et comparée à l'université d'Artois à Arras, auteure de l'essai intitulé « D'Asimov à Tolkien, cycles et séries dans la littérature de genre » publié en 2004 aux éditions du CNRS. Elle est par ailleurs l'auteur de l'essai « La Fantasy » publié chez Klinksic en 2007 et elle vient de diriger le dictionnaire de la Fantasy qui paraît ces jours-ci aux éditions Vendémiaire. C'est le premier ouvrage de référence sur le sujet. Elle y a réuni une cinquantaine de contributeurs venus de tous les horizons. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. C'est un conte de fées, mais écrit pour des adultes, conformément à la conviction que j'ai autrefois exprimée dans mon essai du conte de fées. Car je pense que le conte de fées a sa propre manière de réfléchir la vérité, différente de celle de l'allégorie, de la satire ou du réalisme, et d'une certaine façon, plus puissante. Mais avant tout, il doit être réussi comme simple récit, je veux dire passionné, donner du plaisir et même émouvoir par moments, et se voir reconnaître une crédibilité littéraire à l'intérieur de son propre monde inventé. Réussir cela, c'était mon premier objectif. Mais si l'on entreprend de s'adresser à des adultes, à des gens adultes, mentalement en tout cas, ceux-ci ne prendront naturellement plaisir, ils seront passionnés ou émus, qu'à condition que l'ensemble ou que les péripéties semblent concerner une chose qui mérite leur attention. Plus par exemple que le simple danger et l'évasion, il doit y avoir un rapport avec la condition humaine de toutes les époques. Une partie des réflexions et des valeurs du conteur lui-même va donc nécessairement s'y mêler. Extrait d'une lettre de 1956 à Michael Strait, lu ici par Jérôme Kircher. Bonjour Anne Besson. Bonjour. La question du public des livres de Tolkien, elle est centrale et notamment du point de vue de l'âge du lecteur. On a parlé, on s'est posé la question en tous les cas de cette littérature comme étant une littérature jeunesse ou pas. Dans l'esprit de Tolkien, à qui est-ce qu'elle se destinait son œuvre ? Alors, d'abord à ses propres enfants, mais à donc ses enfants jeunesse, qui alors. Ne cessaient de grandir, hein, puisqu'il faut se rappeler que Tolkien a publié des ouvrages avec des délais très importants entre chaque publication. Son premier ouvrage donc est un ouvrage pour jeune public qui va durablement l'associer à ce type de littérature. C'est pour ça qu'on continue à y penser comme un auteur pour la jeunesse, à cause de Bilbo le Hobbit, paru en 1937. Et ensuite, Le Seigneur des Anneaux ne paraît que près de 20 ans plus tard, si bien que les enfants de Tolkien ont eu l'occasion de bien grandir entre-temps. Oui, il ne s'adressait plus à ses enfants à ce moment-là quand il écrit Le Seigneur des Anneaux. Il continuait à être dans un échange épistolaire nourri, notamment avec son fils Christopher, qui deviendra son successeur. Son exécuteur testamentaire, oui, qui vit en France comme beaucoup des membres de la famille Tolkien. Comme Adam Tolkien, et qui a à son tour consacré sa vie à éditer son père. Et ce rapport-là, avec son fils devenu adulte, continuait à irriguer la pensée et l'écriture de Tolkien. Donc, oui, un livre pour ses enfants, mais on l'a entendu dans cette lettre, Le Seigneur des Anneaux, et il l'annonce aussi à son éditeur qui attend une suite de Bilbo, donc un autre roman pour enfants, et il lui dit, non, ça va pas être ça que je vais te proposer, c'est un roman beaucoup plus sombre, beaucoup plus mûr, comme le sont aujourd'hui mes enfants. Alors vous vous intéressez en particulier à ce genre dit de la fantasy, on va devoir le redéfinir encore un petit peu dans cette émission, même si je pense que les auditeurs voient de quoi il s'agit. Est-ce que lui-même avait connaissance déjà de ce terme de fantasy, de quand date-t-il, et est-ce qu'il se considérait comme étant un auteur de fantasy? Alors, il utilise beaucoup le terme fantasy dans cet ouvrage qu'on a cité, qui est un essai, qui s'appelle Du conte de fées, On Fairy Stories, où le terme qu'il utilise le plus, c'est faëry. Donc, lui, il se considère comme un auteur de faëry, donc de ces contes de fées un peu particuliers, dont Le Seigneur des Anneaux, qui est un très long roman épique et proche de la littérature médiévale, donc qui n'est pas un conte de fées. Le Seigneur des Anneaux sera l'incarnation de cet idéal de la faëry, et dans Du conte de fées, il utilise régulièrement le terme de fantasy, qui en anglais est un synonyme de littérature de l'imaginaire. Une littérature non réaliste, ouverte au merveilleux, et c'est ça qu'il a en tête. Mais qui vient d'où alors qui sont les auteurs de fantasy avant Tolkien? Parce qu'on a tellement l'impression que c'est lui qui crée ce genre, ou en tout cas qu'il potentialise, on pourra peut-être en parler. En réalité, ça remonte plus loin. Oui, alors pas tellement plus loin non plus, puisque c'est un genre qui apparaît dans la deuxième moitié, même disons dans le dernier tiers du 19e siècle anglais, donc la fin du règne de Victoria. Et on peut identifier, même s'il y a eu un certain nombre de précurseurs, notamment du côté de la littérature pour la jeunesse, les premiers grands romans de fantasy où l'on va trouver toutes les caractéristiques du genre, donc des mondes secondaires appuyés sur le mythe, la littérature médiévale, une langue archaïque, donc une volonté de se projeter dans un passé fantasmé du monde. On va les trouver chez William Morris, dans les grands romans qui paraissent à la toute fin de la vie de William Morris, et même un petit peu après sa mort. Donc c'est lui l'inventeur, c'est William Morris. C'est un des inventeurs dans le cadre du grand mouvement culturel anglais qui va réunir le Gothic Revival, le Medieval Revival, le Celtic Revival. Donc là, tout au long des 18e et 19e, cet intérêt pour le Moyen-Âge et les traditions nationales qui n'ont cessé de monter. Et William Morris, lui, prend une place très importante dans le mouvement pré-raphaélite, et celui qui lui est associé, le mouvement de design industriel qui s'appelle les Arts and Crafts. Et donc, il est au carrefour d'une veine proprement esthétique, picturale notamment, et matérielle, d'une culture matérielle, et d'une veine romanesque auquel il donne sa pleine expansion. Alors ça, c'est très intéressant, justement, la paternité de ce genre de la fantasy par un homme qui est à la fois un designer, quelqu'un qui écrit, mais aussi qui est très impliqué dans les arts visuels. Est-ce que pour vous, c'est caractéristique justement de la fantasy, et est-ce qu'on le retrouve chez Tolkien, dont on sait qu'il aimait par exemple beaucoup dessiner? Oui, c'est, ça fait évidemment partie des grands traits caractéristiques qu'on peut retrouver tout au long de l'histoire du genre de la fantasy, ce lien entre image et imagination. Il y a une veine d'illustration extrêmement importante dans la fantasy, et son adaptabilité à travers les médias en témoigne également. Et effectivement, Tolkien n'est qu'un des exemples d'une grande lignée d'auteurs de fantasy qui sont aussi des illustrateurs et qui pensent leur œuvre en termes d'image. On peut l'expliquer d'une façon ou d'une autre ? Je n'ai pas vraiment de piste d'explication, sinon effectivement le caractère, la nécessité de mettre des images sur ce qu'on va ensuite devoir décrire intégralement, puisqu'il s'agit d'un monde secondaire, voilà, d'un autre monde. Et là, c'est une autre caractéristique du genre de la fantasy que l'importance qu'y prend la description. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Tolkien, je le prononcerai donc à la française jusqu'à la fin de cette série, avec vous Anne Besson, et plus particulièrement de son inscription dans le genre de la fantasy. On vient donc de dire que ce n'est pas lui totalement l'inventeur de ce genre, mais néanmoins on peut dire qu'il y a un avant et un après Tolkien dans la fantasy. Et qu'est-ce qui fait Anne Besson finalement que lui constitue un pivot et constitue un point tournant dans l'histoire de ce genre-là? Il en constitue le plus grand auteur et quasiment une référence écrasante. C'est une particularité étonnante de ce genre de la fantasy. Je ne vois pas d'équivalent ailleurs d'un genre qui soit à ce point dominé par un nom, voire par une œuvre. Le Seigneur des Anneaux. Brian Atterbury, un critique américain qui a consacré un ouvrage à l'histoire du genre, le compare à un météore, donc qui s'est écrasé sur la planète et qui en a durablement modifié l'écosystème et bouleversé le paysage. Alors cette image du météore donne peut-être quelque chose, une fausse idée, parce qu'elle est beaucoup trop ponctuelle justement dans sa brutalité, alors que l'importance de la réception de Tolkien s'est plutôt étalée sur une grosse dizaine d'années. Donc voilà, il n'y a pas eu un avant et un après aussi brutal. C'est essentiellement sa réception aux États-Unis au milieu des années 60 qui a donné à Tolkien cette importance qu'il a ensuite. Et alors qu'est-ce qu'on va lui reprendre après ? Je sais pas, je pense à J.K. Rowling par exemple, dont on considère qu'elle a du moins en partie repris un certain nombre de caractéristiques structurées par Tolkien. Par exemple, l'idée de la compagnie, l'idée du groupe, est-ce que ça c'est des choses que Tolkien implémente lui-même, ou est-ce que c'était déjà là ? Enfin, qu'est-ce qu'il apporte en réalité ? Alors, en fait, à peu près tout va être repris à Tolkien. La fantasy post-tolkienienne et en fait, Rowling est une héritière vraiment lointaine, mais tout de suite après... Enfin, pas tout de suite après, mais dans les années 70, les premiers grands romans de fantasy qui paraissent, parce qu'à partir des années, donc à partir de 1965, on va avoir création des premières collections de fantasy. Donc on a vraiment un nom de genre qui apparaît à ce moment-là pour faire paraître des ouvrages qui ressemblent à ceux de Tolkien. Pendant 10 ans, essentiellement, on va avoir des republications de toute l'histoire de la fantasy qui avait été oubliée avant Tolkien. Tolkien permet d'abord de redécouvrir une fantasy plus ancienne, et puis ses lecteurs, ceux qui l'ont lu dans les années 60, se mettent à écrire, et ils se mettent à écrire des photocopies de Tolkien. La première fantasy américaine, le grand exemple, c'est le cycle de Shannara, est très très proche. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des elfes, il va y avoir des nains, il va y avoir un élu sorti d'un petit peuple ou d'un un jeune humain défavorisé qui va se révéler être porteur du destin de l'humanité. Il va y avoir un objet magique qu'il va s'agir de trouver et ou de détruire. Il va y avoir un monde qui, dans ses moindres détails, ressemble à celui de Tolkien, avec un peuple cavalier, un roi perdu. Donc vraiment, toutes les éléments, mais même dans le détail de l'œuvre de Tolkien vont être repris avec des éléments qui vont s'ajouter, des choses qui manquent chez Tolkien. Mm-hmm. Plus d'amour. Plus d'humour. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, il n'y a pas beaucoup de sexe non plus, il n'y en a pas du tout même. Non, alors la fantasy va rester longtemps hein, quand même un genre assez prude, notamment parce qu'elle s'adresse en partie à des jeunes personnes, donc pas des enfants, mais des adolescents, des jeunes adultes, et puis que c'est pas son objet principal qui porte plutôt sur l'héroïsme, sur l'aventure, donc un autre type de romanesque, plus traditionnellement associé aux garçons. Après, donc on va avoir une traîne beaucoup plus longue de l'influence de Tolkien, et puis on va finir par arriver à J.K. Rowling. Chez J.K. Rowling, il reste quelques éléments, mais le syncrétisme est beaucoup plus important parce que Rowling, elle va puiser dans une tradition de la fantasy qui est désormais qui s'est étendue sur des décennies. Donc chez les elfes, par exemple, chez Rowling, ça devient les elfes de maison. Mm-hmm. Donc une variante sur la figure de l'elfe qui n'a plus rien à voir avec celle de Tolkien, parce que justement les elfes tolkiniens qui étaient novateurs ont été tellement surexploités qu'il y a une vraie nécessité au moment où Rowling écrit de ne pas refaire un elfe éthéré, noble, ouais. et représentant d'un ancien passé nostalgique. Donc elle est quand même en référence à Tolkien, mais la référence elle est obligée à Tolkien est incontournable. De briller cette référence. La référence à Tolkien est vraiment incontournable en fantasy, mais elle est effectivement désormais mise à distance et médiatisée par des décennies déjà de retravail sur ce que Tolkien avait pu proposer. Est-ce que c'est pas lié aussi cette structuration là du champ de la fantasy à la question de l'édition, parce que souvent le genre d'une œuvre est étroitement associé à l'éditeur qui publie cette œuvre. Est-ce que ça a été le cas pour Tolkien? Alors, Tolkien, dans sa réception américaine, hein, vraiment, est associé à ce genre de la fantasy. Et c'est là que le sort du genre... C'est quand même l'Amérique qui a donné le là aussi à la lecture de Tolkien, non ? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'annonçais un petit peu tout à l'heure. Puisque l'éditeur de Tolkien en Angleterre, Rainer & Unwin, est un éditeur positionné sur un type de littérature plus sérieuse. Ce sera le cas également de Christian Bourgois qui finit par éditer Tolkien en France et qui est un éditeur de littérature générale. Donc la position de Tolkien par rapport à ce genre plus pleinement populaire qu'est la fantasy est en Europe assez marginale. Mm-hmm. Il est à la fois central pour son influence et marginal en termes de positionnement et de légitimité. En revanche, donc c'est aux États-Unis que l'association entre Tolkien et la fantasy populaire se fait, tout simplement parce qu'il y a déjà une histoire de fantasy spécifique au territoire américain, et essentiellement la fantasy des pulp qui s'est développée dans les années 30, l'œuvre de Robert Howard autour de Conan le Barbare en étant le grand exemple. Et du coup, Tolkien va être reçu aux États-Unis sur ce fond-là. Il va être associé à la pulp fantasy, donc ce qu'on connaît aujourd'hui comme le genre qui nous intéresse résulte de cette fusion-là entre une tradition anglaise ou plus largement européenne plus élitiste, plus exigeante, et la tradition du récit populaire développé dans les pulps américains. Mais alors Christian Bourgois, il va quand même voir tout l'intérêt de cette œuvre-là et l'importer en France, alors que c'était pas gagné au départ, parce que la tradition littéraire française est peut-être moins encline à recevoir ce genre d'histoire et ce genre d'univers. Oui, alors c'est tout de même un petit peu étonnant ce temps de traduction de l'œuvre de Tolkien. Combien de temps il faut, une dizaine d'années? Bah plus, hein, puisque c'est dans les au milieu des années 70, hein, donc c'est près de 20 ans. Alors que tout de même, d'un point de vue purement commercial, l'œuvre de Tolkien aurait pu attirer l'attention d'un éditeur français, ouais. Vu le grand succès qu'elle remportait. Donc c'est tout de même un peu bizarre. Il a fallu la médiation de Jacques Bergier avec son recueil Admiration, où il pointe un certain nombre d'ouvrages comme ça qui sont qu'il serait très intéressant de faire connaître au public français, qu'il publie chez Bourgois, hein, et donc c'est ainsi que le lien se fait. Mais c'est Tolkien aussi qui légitime, du coup, en France, ce genre de la fantasy qui a l'air d'être pendant très longtemps très très méprisé. Ce qui explique aussi que d'ailleurs il n'y a pas tellement, jusqu'à très récemment, de grands auteurs français de fantasy. Tout à fait. L'œuvre de Tolkien domine à ce point aussi la fantasy parce qu'elle en est la face la plus légitime, la face la plus noble. Et d'ailleurs, on va avoir des émissions de radio régulières à propos de Tolkien, où on va avoir une exposition à la BNF, où on va pouvoir faire des colloques universitaires. Peut-être même la Pléiade, qui sait. Et qui sait, pour cet auteur-là. Donc c'est vraiment lui qui tire une possible légitimation du genre qui, effectivement, est relativement peu reprise au bon par d'autres auteurs, même s'ils présentent également leur intérêt et qu'eux aussi sont en cours de légitimation, comme Howard ou Lovecraft. Soudain, le miroir devint totalement noir. Aussi noir que si un trou s'était ouvert dans le néant. Dans l'abîme noir apparut un œil unique, qui grandit lentement jusqu'à occuper presque tout le miroir. Il était si terrible que Frodon resta cloué sur place, incapable de crier ou de détourner le regard. L'œil était entouré de feu, mais il était lui-même vitreux, jaune comme celui d'un chat, vigilant et fixe. Et la fente noire de la pupille ouvrait sur un puits, fenêtre ne donnant sur rien. Puis l'œil commença d'errer, cherchant de ci, de là, et Frodon sut avec certitude et horreur qu'il était lui-même l'un des nombreux objets de cette recherche. Mais il sut aussi que l'œil ne pouvait le voir, pas encore, à moins qu'il ne le veuille lui-même. L'anneau, suspendu à son cou au bout de la petite chaîne, se faisait lourd, plus lourd qu'une grosse pierre, et la tête de Frodon était tirée vers le bas. Le miroir parut devenir chaud, et des volutes de vapeur s'élevaient de l'eau. Frodon glissa en avant. « Ne touchez pas l'eau. » La vision s'évanouit, et Frodon se trouva en train de contempler les fraîches étoiles qui scintillaient dans la vasque d'argent. La compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous de cet extrait du Seigneur des Anneaux, Anne Besson? Alors c'est la grande et belle opposition entre deux figures de pouvoir que sont Galadriel d'une part et Sauron de l'autre. Frodon se penche sur la vasque de Galadriel et y voit un avenir possible, mais on voit qu'il en sort et que la fin du texte le ramène aux étoiles et à la fraîcheur. Donc cette figure du pouvoir, ou plutôt du refus du pouvoir, du retrait, qui est Galadriel. Et qui est une femme, qui est liée à la nature, qui est liée à une force cosmique. Et de l'autre, on a bien vu l'apparition de Sauron et de cette abstraction de la figure du mal, qui est intéressante chez Tolkien, puisque on va pas du tout avoir un combat direct avec la figure du méchant, comme on peut en avoir plus traditionnellement dans des romans d'aventure et des romans médiévaux. Le mal se réduit ici à un œil, à une figure de panoptique quasiment, et à une tentation à l'intérieur du héros, qui est ce poids qu'il ressent. Oui. Vous parlez de la nature, qui est en effet très présente dans tout l'univers de Tolkien. Lui-même était jardinier, enfin dans son propre jardin, je crois qu'il y passait beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a pour vous, je sais pas, de l'écologie par exemple, chez lui, un rapport particulier quand même avec tout ce qui pousse? Il disait qu'il aimait tout ce qui pousse. Oui, il y a clairement une sensibilité, disons, pré-écologique très nette chez Tolkien, dont un des grands héros, Samuel Gamgee, est un jardinier. Donc voilà, c'est pas un hasard si un des personnages les plus importants, même s'il est souvent considéré comme un peu secondaire, c'est à lui que revient le dernier mot, a cette capacité, y compris capacité magique, à faire pousser des choses. C'est une sensibilité écologique comme pouvait l'avoir comme les Anglais de cette époque. Donc une sensibilité au paysage naturel et à leur nécessaire préservation. Mais c'est quelque chose qui va se retrouver ensuite tout au long de l'histoire du genre de la fantasy, qui va très essentiellement porter ce genre de préoccupations qui sont voilà, encore très contemporaines. Et c'est un des aspects, disons, politiquement très fort du genre. Alors, il n'y a pas de grand traité écologique qu'aurait pu écrire Tolkien, parce que finalement, il a écrit beaucoup de textes qui sont des textes qui entourent ses œuvres principales, enfin qui les entourent ou qui plutôt en forment le socle, à tel point qu'en fait, on se demande si Tolkien, c'est une œuvre ou si c'est un monde. Quel est pour vous le plus important? C'est l'univers créé ou c'est les histoires racontées? Anne Besson. Alors, moi, de mon point de vue, je consacre ma carrière universitaire aux constructions de monde. Donc, c'est évidemment ça qui m'intéresse plus directement. Et il se trouve que Tolkien est un énorme exemple de cet effort-là. Alors, on peut estimer que seuls les récits qu'il raconte au sein de ce monde ont effectivement une existence à celui-ci. Sauf que on sait que c'est vraiment là pour le coup l'image de la pointe de l'iceberg s'applique complètement, puisque notamment donc le travail de Christopher Tolkien a permis de faire connaître ce soubassement absolument phénoménal qui est en dessous des quelques romans publiés, avec notamment son travail très important sur les langues imaginaires, son travail très important sur la cohérence interne de l'histoire longue de son monde, hein, puisqu'il est plusieurs fois revenu sur la manière dont il devait penser le passage entre le passage de relais entre les différentes races d'elfes, par exemple, pour en arriver jusqu'au troisième âge, à la fin du troisième âge qui est raconté dans Le Seigneur des Anneaux, la succession aussi de brouillons, de variantes autour des grandes histoires de ce qu'on appelle son légendaire, comme l'histoire de Beren et Luthien, par exemple. Donc autant de développements qui n'ont pas été directement investis dans les romans qu'on connaît, mais qui permettent vraiment aux lecteurs et à tous les amateurs de fantasy et aux auteurs après Tolkien d'avoir cette ambition incroyable de la création presque totale d'un monde alternatif. Mais du coup, il est un peu anthropologue finalement de son propre monde, c'est presque ça son travail. Et puis à un moment donné, il se dit tiens, je vais raconter cette histoire qui est l'histoire de l'anneau, qui est peut-être une des histoires les plus importantes qui est arrivée dans l'époque dont il nous parle, dans le monde qu'il a inventé. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi quand même chez lui? Alors anthropologue peut-être moins que ou historien. Oui, que linguiste. Linguiste. Linguiste. Avant tout linguiste de son monde, et puis mythographe de son monde. Plus secondairement, effectivement, l'histoire et les peuples. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est comment l'histoire immémoriale, le passé immémorial de ce monde-là, a pu amener la création de langues. Puisqu'on sait que c'était son premier intérêt et son premier objectif en créant ce monde, hein. Donner un univers où des personnages pourraient parler les langues qu'il avait inventées. C'est ça le premier objectif. Et donc en créer aussi les histoires les plus lointaines, les mythes, avec un lien aussi assez direct au sacré, hein, au récit biblique, hein, puisque il se présente comme un sous-créateur. Mais alors, le petit ennui que ça pose un petit peu, à la fois pour Tolkien et puis pour le lecteur, c'est que c'est tellement vaste un monde, et lui le connaît tellement bien, qu'il en donne parfois des détails qui sont un petit peu des fenêtres entrouvertes sur quelque chose qui pourrait devenir une histoire, ou qui pose une question, et le lecteur a envie de savoir. Donc il y a un côté un petit peu frustrant peut-être. Est-ce qu'il avait conscience, et j'imagine que oui, de la frustration que pouvait causer cette espèce d'immensité qu'on ne pourra jamais circonscrire? Alors pour moi, c'est pas un problème, c'est au contraire un atout gigantesque, et c'est peut-être le principal ressort de l'importance qu'a pris la réception de Tolkien. Oui, effectivement, il parlait de d'une impression qui est comme celle de voir une île au loin, dans le lointain, et il se posait la question de savoir s'il était mieux de s'en approcher. Et d'aller voir ce que cette île recelait. Et lui, son idée, c'était qu'il valait mieux continuer à la regarder lecteur, de loin, tout à fait, et à simplement savoir qu'elle était là, en voir les montagnes se dessiner. Donc c'est les quelques indices qu'il sème, et puis effectivement laisser une part de rêve au lecteur, mais le lecteur sachant bien que il y a, l'île existe. C'est ça la différence de Tolkien, c'est que il nous laisse rêver à l'île, mais on peut avoir la certitude qu'elle existe, parce que dans les premières lettres qui ont pu lui envoyer ses lecteurs, étaient posées des questions très précises auxquelles Tolkien était toujours capable d'apporter des réponses d'une incroyable profondeur. Et c'est là où il est peut-être un phénomène de société, dans le sens où les lecteurs se sont appropriés son univers. On peut même imaginer que certains lecteurs sont devenus auteurs et ont écrit précisément ce qui se passait sur cette île à la place de Tolkien lui-même. Tout à fait. C'est toute l'histoire de l'appropriation de l'œuvre de Tolkien, avec peut-être comme premier ou plus important jalon le développement de ce qu'on appelle le jeu de rôle, avec Donjons et Dragons qui commence à être développé au milieu, dans la deuxième moitié des années 70, et dont le principe est justement de proposer des mondes imaginaires qui ressemblent de très près à celui de Tolkien, pour permettre à chacun d'y vivre ses propres aventures. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Anne Besson. Ce sera juste après notre chronique du jeudi. Elle est proposée aujourd'hui par Frédéric Maget. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Frédéric Maget, je rappelle que vous êtes directeur de la Maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, que vous êtes fixé comme règle de parler toujours ici d'écrits de femmes. Vous étiez déjà venu il y a quelques mois lors de notre semaine Harry Potter pour nous parler d'Anne Radcliffe. Et puis cette fois, à l'occasion de cette semaine Tolkien, vous avez décidé de nous faire découvrir une pionnière des littératures de l'imaginaire. Et oui, les orques, les gobelins, les nains, les elfes seraient-ils misogynes? La communauté de l'anneau, qui porte bien son nom de fraternité, ne fait guère de place aux femmes, pas plus d'ailleurs, semble-t-il, mais Anne Besson peut-être m'infirmera, que les Inklings, ce groupe informel d'écrivains-chercheurs d'Oxford, réunissant entre autres Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, et qui renouvela profondément la fantaisie au début du XXe siècle. Et pourtant, la science-fiction, comme l'héroïque fantasy, eurent également leurs héroïnes et leurs pionnières. Avant J.K. Rowling, et avant qu'elle ne truste les ventes avec les aventures de son jeune sorcier à lunettes, avant que Margaret Atwood, un peu tardivement, n'obtienne la reconnaissance et devienne quasiment une star mondiale à la faveur d'une adaptation télévisuelle de son chef-d'œuvre, La Servante écarlate, eh bien les littératures de l'imaginaire hurlent leur reine en la personne d'Ursula Le Guin, qui est décédée le 22 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Alors justement, rappelez-nous, qui fut Ursula Le Guin ? C'est l'auteur d'abord d'une œuvre extrêmement prolifique, une vingtaine de romans, plus de 150 nouvelles, des poèmes, des essais, une sorte de femme-monde en quelque sorte, qui pendant près d'un demi-siècle de création a toujours refusé les étiquettes, les cases, a commencé d'ailleurs par celle d'auteur de science-fiction, au point, je pense, de les déborder toutes. Alors elle est née en 1929 à Berkeley, en Californie, et l'influence de ses parents va être décisive, puisque son père est un des premiers diplômés d'anthropologie aux États-Unis. Il va s'intéresser aux populations amérindiennes, ce qu'on appelle aujourd'hui les Native Americans, et probablement que ça va sensibiliser Ursula Le Guin très tôt à finalement la précarité et la fragilité des sociétés. De l'autre côté, sa mère, qui comme beaucoup de femmes de sa génération a attendu que ses enfants aient grandi pour pouvoir véritablement se livrer à sa passion qui est l'écriture, et elle va développer elle-même une carrière d'écrivaine à partir de l'âge de 50 ans. Et l'écriture, c'est vraiment le fond, je dirais, d'Ursula Le Guin. Elle l'écrit de son propre aveu dès l'âge de 6 ans. À 11 ans, elle envoie ses premiers textes aux éditeurs. Lorsqu'elle fait des études, ce sont des études de littérature française d'ailleurs. Au passage, et ça ne s'invente pas, elle a pour condisciple sur les bancs de l'université Philippe Cadic. Et elle va consacrer sa thèse à Ronsard, au thème de la mode, de la mort chez Ronsard. Et c'est d'ailleurs à la faveur d'une bourse Fulbright d'études en France qu'elle va rencontrer son futur mari d'origine bretonne, d'où la prononciation de son nom à laquelle elle tenait beaucoup, Le Guin. Voilà. Alors comment est-ce qu'elle en vient à la science-fiction, Frédéric Maget ? Elle a beaucoup écrit dans des genres très différents. Elle a essuyé beaucoup de refus de la part des éditeurs avant de trouver sa voie. Ça a lieu en 1966 avec Le Monde de Rocanon, qui lui permet déjà d'accéder à une première reconnaissance. Mais c'est vraiment en 1969, avec La Main Gauche de la Nuit, qu'elle va accéder à la reconnaissance et devenir un des grands noms de la science-fiction contemporaine. Il faut dire que c'est un roman tout à fait pionnier dans bien des domaines, puisqu'elle imagine une société utopique où les êtres peuvent choisir alternativement d'être mâle et femelle, ou femelle. D'une certaine façon, elle refuse la facilité qui a beaucoup été utilisée du renversement, quel matriarcat par exemple. Et là, elle imagine véritablement une société strictement égalitaire du point de vue du genre. Et de ce point de vue, elle se montre extrêmement révolutionnaire. Dès lors, dans tous ses romans, elle n'aura de cesse d'ailleurs d'explorer tous les univers possibles et va tester en quelque sorte, j'allais dire presque de manière expérimentale, des sujets d'anthropologie, d'écologie, de sociologie, de sexualité. Bon, je parlais de société dans Les Dépossédés, par exemple en 1974, elle imagine une société qui est uniquement guidée par des principes anarchistes et libertaires, donc comme si elle voulait tester ce que ça donnerait. Elle dit d'ailleurs que c'est une utopie ambiguë, et même le thème de la fantaisie, puisque c'est le thème de cette semaine, puisqu'elle va elle-même proposer un cycle, Les Contes de Terre-Mère, qui a été popularisé par l'adaptation en film d'animation par le fils de Miyazaki, Gorō Miyazaki, et qui pose la question du langage, puisque dans Les Contes de Terre-Mère, c'est finalement le fait de connaître le nom des êtres et des choses qui est vraiment facteur de pouvoir. Alors qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme lecture pour commencer à entrer dans son univers ? Peut-être son dernier roman, celui qu'elle-même considérait comme son chef-d'œuvre, Lavinia, qui est paru en 2008. C'est un roman qui témoigne bien la difficulté de classer Ursula Le Guin dans une catégorie de genre, puisque le point de départ en fait de Lavinia, c'est un vers de l'Énéide. Virgile cite le nom de la femme d'Énée, Lavinia, de façon tout à fait lapidaire, elle ne dit pas grand-chose. Et en fait, Ursula Le Guin, à partir de cette mention lapidaire, elle va essayer de redonner voix à cette figure oubliée de l'histoire. Elle va mener des recherches très érudites. À la fin du volume, on va trouver une bibliographie très fouillée qui montre bien que l'érudition et la documentation extrêmement riche. Et elle fait vivre le personnage de Lavinia non seulement comme un témoin de l'histoire, mais aussi, et ça c'est important, comme une héroïne à part entière qui choisit son destin. Dès lors, on ne sera pas étonné qu'à côté de Charles Darwin, le grand modèle d'Ursula Le Guin, c'est Virginia Woolf, puisque un des premiers textes que sa mère lui avait offert, c'est Une chambre à soi, et Ursula Le Guin va justement chercher à redonner voix à ces figures d'oubliés de l'histoire. Et je voudrais citer ici ces quelques mots de Lavinia. « Je finirai par m'estomper, par me dissoudre dans l'oubli. S'il me faut continuer à exister au cours des siècles, qu'une fois au moins je me libère et que je parle, le poète ne m'a jamais donné la parole. La parole, je dois la lui prendre. » Voilà une parole que Virginia Woolf n'aurait pas reniée. Alors, pour terminer rapidement, est-ce que vous diriez que c'est une écrivaine féministe ? Bah, pas forcément, parce qu'elle-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, a refusé les étiquettes, même si elle a beaucoup employé le terme dans ses textes. C'est vraiment quelqu'un qui a plutôt cherché à explorer tous les possibles dans ses textes. Et j'aime beaucoup cette dernière déclaration publique qu'elle a donnée en 2015, à un moment où elle a reçu enfin le National Book Awards, même si le Nobel l'a manqué, bien qu'on lui ait promis. Voilà ce qu'elle déclarait. « Des temps obscurs viendront quand nous serons en manque d'écrivains qui envisagent des alternatives à notre mode de vie actuel, qui voient clair dans notre société sinistrée par ses peurs et ses technologies obsessionnelles, qui envisagent d'autres façons d'être. Nous aurons besoin d'écrivains qui se souviennent de la liberté, de poètes, de visionnaires, les réalistes d'une réalité plus large. » Et je dirais qu'à une époque où on affronte les temps obscurs, il est plus que jamais et même urgent de lire et de relire Ursula Le Guin. Merci beaucoup Frédéric Magé. Cet hiver, on va donc se replonger dans Ursula Le Guin. On peut aussi aller vous voir à la maison de Colette. À bientôt. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec la spécialiste de littérature de fantasy, Anne Besson, pour parler de l'écrivain anglais J.R.R. Tolkien. Quelle pitié que Bilbo ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié ? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, à part la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau. Et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et on repart dans cette émission avec un extrait de l'adaptation du Seigneur des Anneaux par le cinéaste Peter Jackson. Anne Besson, comme souvent dans la fantasy, un succès littéraire devient immédiatement un succès sur le grand écran. Ça ne s'est pas démenti cette fois-ci. Immédiatement, pas tout à fait là encore, ça a mis beaucoup de temps de réussir à adapter Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai qu'en 57, il y avait déjà eu une première tentative qui n'avait pas été très concluante, je crois que c'était même pas allé au bout. Oui, c'est ça. Il y a eu une première. Alors, il y avait eu un projet d'adaptation par les Beatles, qui avait fait hurler les fans littéraires de Tolkien, parce qu'il y a vraiment cette grande différence entre l'appropriation pop de Tolkien et puis des amateurs de son œuvre écrite qui souhaitent la préserver de toute dérive. Donc, il y avait eu cette première tentative. Après, il y a eu celle de Ralph Bakshi, donc en film d'animation, où effectivement, ça s'est arrêté. c'est après seulement un premier film, même si a posteriori ce film est pas du tout inintéressant, il était quand même grévé d'un certain nombre de problèmes plastiques, et donc c'est vraiment il a fallu attendre là le tournant du 20e et du 21e siècle pour que peut-être les effets spéciaux ou les budgets soient suffisants pour permettre le temps et le rendu nécessaire à ce que cette adaptation soit bien reçue, et elle l'a été relativement. Est-ce que c'est une réussite alors cette trilogie ? Il faut rappeler que c'est quand même plus de 9 heures de cinéma. Je crois que c'est Peter Jackson qui a réussi à imposer ça au studio hollywoodien, parce qu'en réalité on sent qu'à la fois il est fidèle aux fans de Tolkien, mais que bien entendu il doit donner des gages à ses producteurs. C'est évidemment des budgets qui sont colossaux. Est-ce que ça ne donne pas un film qui est toujours un peu dans cet entre-deux et qui le rend un petit peu tiède ? Quel est votre point de vue, Anne Besson, sur cette trilogie ? Alors du coup, effectivement, ce sera vraiment un point de vue qui n'engage que moi. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette trilogie-là. Je ne dirais absolument pas la même chose du Hobbit, hein, qui en revanche est à part de courts moments est un désastre. Donc le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. D'abord, je lui reconnais l'énorme intérêt d'avoir pas sorti Tolkien de l'oubli parce qu'il n'était pas oublié, mais l'avoir véritablement fait entrer dans une autre dimension. Ce que certains peuvent regretter. En termes de lectorat, vous voulez dire ? Oui, en termes de pas forcément de lectorat, puisque les gens ne l'ont pas forcément lu après l'avoir vu, mais de reconnaissance et une nouvelle étape de son influence. Alors, Christopher Tolkien a pu très mal vivre ce passage de l'œuvre de son père à ce stade médiatique de la fiction, puisque lui, on a parlé dans des termes très très violents. Hein, l'a vécu comme un dépeçage du roman de son père. Enfin, on imagine qu'il a suivi quand même de très très près le scénario et peut-être même le tournage. Non, il n'a pas les droits audiovisuels ont été cédés par Tolkien très tôt. Donc lui, il a le total contrôle sur l'œuvre écrite, mais pas les droits audiovisuels. Et d'ailleurs, il y a eu un procès assez long qui a opposé la famille Tolkien aux adaptateurs pour des questions de reversement de droits et puis effectivement de possibilités de regard sur les scénarios. Et qu'est-ce qu'il reproche lui alors à cette adaptation ? Bah justement, ce qu'il reproche c'est d'avoir désormais durablement associé l'œuvre de son père à ce qui jusqu'alors était le reste de la fantasy, puisque ce que Peter Jackson a fait, c'est reprendre toute cette très belle tradition de l'illustration de fantasy, du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la bande dessinée, tous les médias qui s'étaient appropriés ce monde tolkienien pour en faire tout autre chose, pour en faire un genre populaire à destination d'un public de jeunes gens et qui avait essentiellement envie de s'amuser avec des nains rigolos se tapant dessus à coups de hache, et c'est ça que Jackson a repris avec beaucoup de talent et en s'entourant très bien de d'Alan Lee et de John Ho pour comme conseiller artistique, hein, qui étaient les meilleurs illustrateurs de Tolkien à ce moment-là. Mais cette mise en image, eh bien, elle tire Tolkien du côté de ce qui est la réception la plus populaire et la plus large, bien sûr. The Queen of Light took her bow, and then she turned to gold. The Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone. Doesn't the dark of night seem to have more? Dark old lights and forest tonight. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Anne Besson, vous utilisez beaucoup le mot cycle dans toutes vos recherches pour qualifier les écrits de fantasy et en particulier chez Tolkien, c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu en quoi ce mouvement circulaire qu'on retrouve en effet dans tout le monde inventé par Tolkien est primordial, est important? Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est d'abord une façon de structurer un ensemble romanesque, hein, donc un ensemble de romans qui vont se prolonger chronologiquement et s'étendre dans l'exploration d'un même monde, par opposition à un certain nombre d'autres types d'ensembles romanesques où au contraire les volumes seront plus indépendants et reposeront davantage sur la réitération d'une prouesse. Ensuite, chez Tolkien et dans la plupart des autres ouvrages de fantasy, ça a aussi le sens d'une temporalité cyclique basée sur un grand retour Un éternel retour. Oui, dans un certain sens, même si en général l'œuvre de fantasy présente la dernière itération du processus, le moment où justement on sort de cette éternité, on sort du mythe hein, pour entrer dans l'histoire. Donc on sort d'une temporalité circulaire où le mal a intervalle régulier va ressurgir et où des élus nouveaux vont reprendre une mission éternelle pour entrer, hein, c'est là-dessus que se termine Le Seigneur des Anneaux, sur le temps qui sera celui des hommes et où le personnel mythique, les elfes, les hobbits, etc. sortent petit à petit du monde. Et ce motif circulaire, hein, il se retrouve bien sûr à travers l'image même de l'anneau dans le cycle de Tolkien. Et puis peut-être le rapport aussi à l'astrologie, les cercles des planètes, le côté magique aussi, tout simplement, de ce motif du cercle. Oui, tout à fait. Et ce motif du cycle de l'anneau lui-même hein, prend sa source dans des mythologies anciennes qu'il avait déjà exploitées, hein, aussi bien dans l'Antiquité avec l'anneau de Gigès que dans les mythologies nordiques et scandinaves et germaniques avec l'anneau des Nibelungen. Alors, il y a le motif du cercle et puis il y a aussi les couleurs qui sont très importantes, expliquez-vous, dans la fantasy. Ces couleurs, elles sont plutôt brun, gris, enfin c'est pas oui, très alors chez Tolkien, rouge, c'est... jaune et éclatant. Hein. Chez Tolkien, c'est effectivement pas très frappant, même si alors donc lui est plutôt à l'origine de justement cette gamme chromatique naturelle hein, entre le brun et le vert qu'on donc va retrouver. Vous le qualifieriez de naturel alors? Oui. C'est parce que ça évoque quoi, les forêts, ça évoque. Oui, tout à fait. On est entre les forêts et la boue du Mordor, hein, ouais. Vers laquelle va plutôt tirer une partie de la fantasy représentée par l'œuvre de George Martin, hein, qui va être beaucoup plus du côté boue mêlée de sang. Mais du côté de la fantasy jeunesse, on a aussi hein, une palette beaucoup plus éclatante hein, de la fantasy qui va par exemple hein, trouver de ces illustrations les plus massives dans Le Magicien d'Oz hein, et avec son adaptation en technicolor flamboyant hein, et donc des souliers rouges des briques jaunes Emerald City et le vert vif du magicien voilà c'est et la sorcière blanche, la sorcière noire. Oui. Alors, puisqu'il nous reste finalement assez peu de temps dans cette émission, Anne Besson, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la postérité de Tolkien. Dans votre dictionnaire, vous citez un certain nombre d'écrivains qui viennent après Tolkien. On peut peut-être dire un mot de certains ou même de certaines. Allez, parlons par exemple de Robin Hobb, née en 1952, romancière, novelliste américaine. Il faut dire que Robin Hobb, c'est presque Robin Hobbit. Alors, Robin Hobb est effectivement une des grandes autrices américaines de fantasy épique. Hein. On parlait tout à l'heure d'Ursula Le Guin. Le Guin, attention. C'est pas facile. Hein. Moi, je disais Le Guin. Donc, Ursula Le Guin. Et on a vraiment une tradition de romancière extrêmement riche en fantasy. Donc, les femmes se saisissent aussi de cet univers-là, quand même. Ah, tout à fait. Même au départ, donc, où effectivement, on manquait un peu de grands personnages féminins. En fait, les lectrices réussissaient tout de même à s'approprier ces univers en détournant certaines figures secondaires ou très sexualisées pour en faire leurs propres héroïnes, notamment travers des pratiques comme comme le cosplay. Donc pour en revenir cosplay, redites-nous. Oui, alors cosplay, c'est le fait de costume player, c'est le fait de se fabriquer un costume pour incarner son personnage dans des conventions, dans des réunions de fans. C'est une pratique très courante chez les amateurs. On en a vu d'ailleurs dans des colloques Tolkien à la BNF arriver habillés en lutin ou en personnage de leur héros. Oui, alors c'est en général une pratique qui se limite à des contextes assez limités qui y sont appropriés, hein, parce qu'on ne veut pas non plus attirer le rire ou le ridicule. Mais effectivement, c'est une des façons dont les fans peuvent choisir de faire vivre et de matérialiser dans leur vie quotidienne les univers qu'ils aiment. Et c'est vraiment très essentiel dans l'attachement à la fantasy. Et donc tous les auteurs et les autrices hein, qui ont suivi Tolkien vont avoir tendance à créer deux grands cycles avec des nombreux volumes et Robin Hobb donc crée cette un univers secondaire qu'elle va diffracter en un certain nombre de trilogies d'ensembles romanesques assez longs. Le plus connu est le premier, hein, ça s'appelle L'apprenti assassin. Et elle y présente deux magies, l'art et le vif, hein, avec des majuscules à chaque fois, dont elle va détailler l'affrontement autour de la vie et de l'initiation de son personnage principal. Voilà, il y a trois trilogies hein, qui se succèdent sous le titre commun L'assassin royal, et on le conseille évidemment aux auditeurs. On peut signaler quand même que c'est pas son nom, c'est un pseudonyme, Robin Hobb. Elle s'appelle en réalité Megan Lindholm, hein, c'est ça? Oui, et elle écrit aussi sous ce nom des romans moins typés. Alors de la littérature de l'imaginaire aussi, hein, mais plutôt des one shot, hein, donc des romans isolés et des romans plus singuliers, comme par exemple Le Dernier Magicien. Merci beaucoup Anne Besson. Plusieurs livres de vous pour aller plus loin sur ce thème. D'abord le dictionnaire de la fantasy paru cette année sous votre direction aux éditions Vendémiaire, mais aussi, allez j'en prends un au hasard, Constellation des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain paru en 2015 chez CNRS Éditions. D'autres références sur notre site. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli, Chanal, Stéphanie Vélin et Lucas Vaillant. Lundi prochain, nous entamons une semaine consacrée à l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera. Et demain, vous avez rendez-vous avec Manu Farine pour la Compagnie des Poètes. Elle recevra Connie Palman. Mais la poésie, c'est aussi dès maintenant et c'est grâce à Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Ces jours-ci, et toujours dans le cadre de notre campagne « Être poète à 16h », nous avons circulé entre deux recueils de Laure Cambeau, « Ma peau ne protège que vous » et « Le manteau rapiécé », pompant alternativement dans les deux flacons à même la mélancolie. Ça, c'est dans « Ma peau ne protège que vous ». Boire aux arbres à même la mélancolie. Médaille d'or de la foire aux hommes de jardin. Boire aux arbres à même la mélancolie. Souple, longue, prête à boire un très bon flacon. Boire aux arbres à même la peau. De la racine ardente au bouchon de feuilles. Quand la mélancolie chatouille les joues, il faut la boire cul sec. Tronc après tronc, quille après quille, transe aromatique. Un bouquet de voyage à déguster. La goûteuse folle du livre d'en face, la madelon du livre des pluies, se retrouve enfermée entre les lianes de l'arbre à mur, entre les réveils barbelés du rêve, entre lac, entre nuit, boire aux arbres de la mélancolie, plat la bouche. Et dans l'autre flacon, le manteau rapiécé, avons puisé un peu d'ivresse, de tournis, derviche, betkachi, après avoir tourné, retourné, noirci, blanchi, feuilles et têtes, voici la fin d'un voyage étrange au fil du souffle. Au bout du bord, de tapis volants en montagne magique, de vendeurs de temps en donneurs de temps, de piège à rêve en piège à minute, de perroquet ivre d'essence de rose en moineau avaleur de perles, d'arbre à poisson en arbre aux œufs d'or, d'ange de pierre en dé de lumière, de fille du feu en fleurs pointues, comme les fragments d'étoffe abandonnés par les derviches d'Anatolie qui ont lacéré leurs vêtements pendant l'extase. Ces quelques psaumes et poèmes de toutes origines se retrouvent cousus ensemble au sein de ce livre. Cela donne cette mosaïque, tissu d'arlequin, un manteau rapiécé, signe d'humilité, de transformation intérieure, du multiple vers l'unique, souvenir ancestral affleurant du fond des steppes, retour au berceau des origines, clin d'œil circulaire au premier derviche. Plus loin dans le livre, on trouve cette phrase énigmatique « La compréhension est de ne pas comprendre. Elle est de Mevlana. » Oula, oula, top, top, la tournerie. Nous sommes presque trop graves pour être derviches et tourner de la bonne façon. Une petite comptine bête cachée entre nous, comme ça, pour garder le groove. Les paroles de la bougie. Par le cœur, j'ai toujours été parmi vous. Je ne cesse de brûler du désir de vous offrir un peu de lumière afin que la nuit devienne jour. Ce n'est que pour vous que je brûle, même s'il ne reste plus rien de moi. J'accepte de bon cœur de me consumer afin de mieux pouvoir vous éclairer. C'est un poème de Naïm Hachiri, traduction d'Afrim Aslani, poème Betkashi. Jacques Bonafé, merci.